Tout le, toute la, toutes les, tout le temps ou tout le temps, toute la journée, toute la nuit, tous les lundis, toutes les semaines, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque heure. Une fois par jour, deux fois par semaine, trois fois par mois, quatre fois par an, plusieurs fois par an. Prononciation de tous. Tous les, tous ces, tous mes, tous tes, tous ces, tous nos, tous vos. Tout l'heure.